Je souffre en revenant du train. Une main en miroir, ray à son, emboîtée dans une masse. Corps chavir dans les accents d'une ponctuation sournoise. Pentifié dans sa langue, l'autorité se dissipe. Et mes os s'éprennent ici, on vertige d'un amour la masturbation. Mon sexe est fini. Le cadavre n'est pas fini. La rive d'amour qui va se déverser dans ta vie. Bracelet. Mes notes. Son insistance à ne pas croire que je fondrai. acte sexuel. Monac les repères. L'autoconduite, les vertes commerciales. La vente de moi-même dans les pales de basket. Entre là, placité. Je t'aime bien. Je t'aime beaucoup. Branche ta peau à la mienne, ou bien le désir n'ira pas plus loin. Les plantes roses, les chattes lourdes. Soupirez, soupirez là, tristesse du printemps qui n'est